السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc je m'excuse d'avoir tardé à faire ce ders faute de temps dû au grand nombre d'occupations que l'on peut avoir et du manque de possibilités de pouvoir donner le ders en toute tranquillité. Malheureusement, souvent entouré dans des situations où je ne peux pas faire le ders. Donc là, l'occasion a été, Alhamdoulilah, s'est présentée, donc on va, bismillah, prendre ce dernier ders. Min hadal kitab. Tayyib, yakoulu fil hadith al-sabir wa al-tis'in. 97e hadith. An Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salathun la yughillu alayhinna qalbu muslim, ikhlasu l'amal lillah wa munasahatu. ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه مسلم. Donc selon Anas ibn Malik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y a trois choses dont sera qui empêche que la rancune, l'hostilité et la haine et autres ne s'insère dans le corps du musulman. D'ailleurs, ne s'insère dans le cœur du musulman. Trois choses qui empêchent cela. Awalen, être sincère dans les œuvres pour Allah Azawajal. Deuxièmement, prodiguer le conseil aux détenteurs du pouvoir. Et troisièmement, rester accroché au groupe des musulmans. Car cela, cet appel de cette religion, protège leurs arrières aux musulmans, c'est-à-dire cela empêche qu'ils ne soient pris par des ennemis par derrière. Et le hadith, bien qu'il fût rapporté par musulmans selon l'auteur, cela est une erreur de sa part. En réalité, le hadith est rapporté par Tirmizi. Non. L'auteur apporta une parole d'Ibn al-Qayyim par rapport à ce hadith. Dans Madarij al-Salikin, il dit « La yabqa fihi ghillun wa la yahmilu al-ghilla ma hadi thalatha » C'est-à-dire qu'un cœur qui réunit ces trois caractéristiques ne pourra contenir de haine, d'hostilité et de rancune, c'est-à-dire envers les autres croyants. « Bel tanfi anhu ghilla wa tunakihi minhu » وتخرجه عنه فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل. Donc celui qui aura regroupé ces trois choses là, son cœur sera préservé et repoussera justement ce ghil, le ghil, ce qu'on expliquait comme étant l'hostilité, la rancune et le mépris et autres, ce sentiment d'étroitesse qu'on a dans la poitrine qui fasse que les gens n'arrivent plus à s'aimer entre eux. Donc ces trois caractéristiques protègent le cœur de cela, et celui qui en serait déjà atteint, s'il arrive à regrouper ses caractéristiques, elles seront une cause pour expulser ce ghil de son cœur. Awalen, la plus grande cause de ghil, c'est le shirk. Le shirk. C'est pour ça que vous voyez que les koufars ont autant de haine dans leur cœur, car ils font du shirk. Wa kazalika yughillu ala al-ghish. Le fait d'être malhonnête. La malhonnêteté est une cause qui amène à ce ghil dans le cœur. Et ala khurujihi an jama'ati al-muslimin bil bid'ati wa dhalala. Et aussi le fait de se séparer, de se diviser du groupe des musulmans par l'innovation et l'égarement. Donc tu verras que les mubtadi', quoi qu'ils disent, sont des gens qui ont beaucoup de ghil dans leur cœur. Fa hadhihi thalatha tamla'uhu ghillan wa daghlan. ودواء هذا الغل استخراج إخلاطتي بتجريد الإخلاص والنص ومتابعة السنة. Donc celui qui justement regroupe ces trois caractéristiques qui sont le shirk, qui sont le fait d'être malhonnête et la division par la bidra ou quoi, sont des causes principales qui provoquent le ghil dans le cœur du croyant. Et le remède, justement, c'est de faire comme dans ce hadith, c'est-à-dire la sincérité dans les actes qui combat le shirk, prodiguer le conseil et également suivre la sunna. Ces points-là permettent de purifier le cœur de ce sentiment de ghil. Donc de là se finissent les paroles d'Ibn Qayyim. فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أمور كلها لعباد الله ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف صار قلبه صافيا نقيا. Donc celui qui aura été sincère dans les œuvres qu'il a accomplies pour Allah Azzawajal, qui aura prodigué le conseil tant qu'il peut pour les serviteurs d'Allah Azzawajal. Le hadith, ça parle des détenteurs du pouvoir, ce qui revient en général au gouverneur, mais cela peut être valable pour tout musulman. Et détenteur de pouvoir, cela peut être également pour une personne qui aura autorité, comme un père de famille, ou comme un cheikh, ou un grand frère, ou toute personne qui aura autorité sur une autre. Ça rentre dans Oulatil Umur. Donc celui qui aura également, qui sera resté soudé avec le groupe des muslimines, en évitant toute source de divergence, et quand on parle de divergence qui sont mauvaises, comme la bid'a, et non pas le fait de diverger avec eux en défendant la vérité, alors lui, son cœur restera pur, et sera exempt et dénué de ce ril. وَصَارَ لِلَّهِ وَلِيًّا. Il sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ بِخِلَفْ ذَلِكَ امْتَلَى قَلْبُهُ مِنْ كُلِّ آفَاتٍ وَشَرٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Quant à celui qui ne se tiendra pas à ce conseil et qu'il transgressera ce conseil, tu verras que son cœur se remplira justement de tous les maux et du mal, et Allah est plus savant. Et vous voyez là, comme dans le hadith, l'auteur parle de faire le fait de rester soudé avec le groupe des musulmans et de prodiguer le conseil au gouverneur. Si on prend le sens du gouverneur. Et regardez bien les gens qui ont des chebouettes sur le khuruj et le takfir, vous les verrez comme étant les gens qui ont le plus de ril dans leur poitrine. Et surtout envers les gens de la sunna, comment ils les critiquent, comment ils les méprisent, comment ils parlent sur eux. Moquerie, raillerie, et j'en passe. Et pourtant, ils vont te faire passer pour des gens comme étant les gens du conseil de douceur pour la umma, soi-disant. Ce sont les gens qui ont le cœur le plus dur. Et vous n'avez qu'à voir de quelle façon ils critiquent leurs opposants. Par des choses sans valeur, et avec un usloub railleur et moqueur. Car leur cœur est plein de ril, à cause de la bid'a, du khulouj qu'ils ont. Et eux ne conseillent pas les gouverneurs, mais les critiquent, les diffament, et suscitent un sentiment de haine envers eux. Et cela sous couvert de vouloir, soi-disant, appeler à l'ordonnable et interdire le blâmable. Mais la façon de faire est innovée et mauvaise. Et résultat, les cœurs sont emplis de ril. Non. Donc ça, c'était le 97e hadith. ثم قال في الحديث 98. Maintenant, qui est le 98e hadith. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة متفق عليه. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les gens ne sont que comme une centaine de dromadaires. On peut dire chameaux dromadaires. Tu ne trouveras presque pas dans ce nombre une monture convenable. C'est-à-dire tu auras une centaine de chameaux devant toi et malgré cela, tu auras du mal à en trouver un qui soit convenable pour pouvoir entreprendre un voyage. يقول هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. Donc ce hadith se compose d'une information véridique et d'une directive profitable. C'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam informe du chose qui est vrai et indique en même temps à travers ce hadith ce qui est à faire. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النص شامل لأكثر الناس وأن الكامل أو مقارب للكمال فيهم قليل. Donc dans ce, en premier lieu, l'information, cette information qui est véridique, quelle est-elle? C'est que la plupart des gens, en réalité, sont sur un mal. Et que la celui qui sera, on va dire, parfait ou proche de la perfection, au milieu de ces gens-là, sont rarissimes. Les gens de bonne mœurs, de bonne moralité, de bonne religion, sont une minorité infime. Quel ibil al-mi'a tastaksiruha faiza aradta minha rahilatan tuslah lil-haml wa rukub wa zahab wa al-iyab la takad tajiduha wa akad al-nas. Donc après, il a fait l'exemple justement avec ces chameaux. Tu verras une centaine de chameaux. Et si jamais tu venais pour choisir un vraiment convenable pour faire ce que tu as à faire comme parcours, aller, retour, transport et autres, tu auras du mal à en trouver un convenable. Pourtant, tu t'en vois beaucoup devant toi. Mais ne sois pas leurré par ce grand nombre. Très peu de montures parmi eux seront convenables pour toi. Il dit les gens, c'est pareil. Tu verras plein de gens autour de toi. Et malgré cela, tu verras très peu d'entre eux qui seront des gens qui seront pour toi de bonne compagnie et de bonne fréquentation. Malgré leur grand nombre. Et aujourd'hui, tu le vois, la Oumma, on est très nombreux. Très, très nombreux. Malgré cela, tu auras du mal à trouver une personne convenable. On voit les frères avoir du mal à trouver une sœur convenable pour se marier. On voit les sœurs avoir du mal à trouver un frère convenable. Pourtant, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Malgré cela, il y a trop de manquements et trop de défaillances. Et ce sont des choses qui sont flagrantes, que tu vois directement au premier abord. C'est pas forcément une fois que tu as vécu avec la personne ou quoi. Il y a des choses que tu le vois devant toi. Elles sont flagrantes. Tu vois des frères comment ils se comportent. Au premier abord, la sœur, elle le voit. Elle dit, lui, c'est pas un homme qui me conviendra. Et pareil, des sœurs ou des frères vont voir des sœurs. Elles seront habillées et tout, mais ils vont voir leur comportement et leur mode de vie. On dit, ça, c'est une sœur, elle va pas me convenir. Et ainsi de suite. Ça se voit tout de suite. Ça veut pas dire que la personne ne peut pas changer. Mais au premier abord, tu vois déjà une barrière qui fasse que cette personne-là ne rentre pas dans tes critères pour le bien et l'avancée en religion. Et l'auteur, il parle de cela, tout comme il parle de gens aujourd'hui dans des fonctions à remplir pour la communauté. Masalan, les ta'alim pour l'enseignement, il le dit l'auteur. Aou al-fatwa, aou al-imam. Le ta'alim, par exemple, tu verras aujourd'hui plein de gens qui sont partis étudier je ne sais où. Et quand ils rentrent pour enseigner, tu les vois prendre des procédés étranges ou en contrepartie avec de l'argent, ouvrir des instituts en ligne, il faut que tu payes. Vouloir ouvrir des instituts, il faut que tu payes. Et ainsi de suite. Faire des procédés de darwa qui sont innovés, qui sont nouveaux ou qui sont en transgression. D'accord ? Tu vas aller voir se filmer, tu vas aller voir se mélanger aux gens, tu vas aller voir faire des mises en scène, tu vas aller voir faire un tas de choses qui en réalité ne sont pas en concordance avec la vraie da'wah, telle que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'entreprise à son époque, ainsi que ses compagnons. Et on voit même des gens, j'en ai vu un une fois, faire un commentaire totalement absurde, disant que la façon de faire da'wah doit évoluer. Ça veut dire, aujourd'hui, quand tu fais da'wah à la manière des savants, dans les durus que tu donnes, en te contentant de faire des audios, ou ceux qui écrivent des livres, ça ne suffit pas pour les gens maintenant, il leur faut du nouveau. Et ben voilà comment on ouvre une porte vers l'innovation dans la da'wah. L'yanna wasa'il al-da'wah tawqifiyya. Les moyens de faire la da'wah sont tawqifiyya, comme les adorations. On n'invente pas des nouvelles choses en da'wah. On peut s'adapter à une époque et un environnement sans que cela n'amène à faire des transgressions. Et on sait ce qu'ils veulent dire par là, ces jeunes-là. On sait ce qu'ils veulent dire par là. D'accord ? Et peu de temps, j'ai entendu une personne dire « Oui, les audios, c'est pas suffisant parce que les gens en sont privés. Il faut plus. » On dit si les gens sont privés, c'est que les gens ne veulent pas. D'accord ? On n'est pas les témoins de Jéhovah pour aller frapper à la porte des gens et leur dire écoutez ou regardez. Le ilm, il est là. Celui qui le veut, il va le trouver. Le haqq, il est là. Celui qui veut, il va le trouver. L'islam, il est là. Celui qui veut, il va le trouver. On n'a pas à se rabaisser et nous à faire des choses, faire des transgressions pour pouvoir plaire aux gens. Sous prétexte qu'il faut les gens, il faut aller vers eux. On va vers les gens, mais on se protège en nous-mêmes. Comme ta alamoun, al-qa'ida. Que repousser un mal prédomine sur le fait d'apporter un bien. Donc celui qui fait la da'wa, en premier lieu, se préserve lui, avant de vouloir faire du bien aux gens. Ce n'est pas il fait da'wa et après cela se retourne contre lui. Combien de gens veulent nous inciter à ouvrir des applications, à rentrer dans TikTok, à entrer dans les je ne sais quoi, pour pouvoir faire da'wa pour toucher plus de monde? On dit quand on rentre là-dedans, nous, vous savez qu'est-ce qu'on subit dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'on ressent? Les images que l'on voit? Les choses que l'on voit? Notre da'wa va vite changer. S'il y a une personne qui écoute et qui profite, alhamdoulilah, tant que moi je reste préservé. Le plus important, c'est préserver ton capital. Donc le prédicateur, avant de s'avancer pour pouvoir, soi-disant, appeler le plus de gens possible, qu'il, déjà, il se rende compte que est-ce que lui pourra supporter ce qu'il y a devant lui. Si ce n'est pas le cas, qu'il arrête. Allah ne t'a jamais forcé de t'exposer au mal des autres pour appeler les gens à la religion. Jamais. Et on voit le résultat, hein, ces gens qui ont dans ce genre de procédé-là, généralement ça va pas loin. Ils rentrent dans le moule, ils rentrent dans la tendance, et après tu les vois changer. Ou alors apparaître ce qui est caché en eux depuis bien longtemps. C'est le but, c'est de toucher le plus de gens possible, d'avoir le plus de suiveurs possible. On dit voilà, c'est pas notre but à nous. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'intardia, l'inardia Allah ou rajulan wahidan ala yadek, khayrun laka min ni'am al-humr. Que Allah ne guide qu'une seule personne par ta cause, cela est meilleur pour toi que les chameaux rouges qui étaient les plus grandes richesses des Arabes auparavant. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 suiveurs, 10 000 abonnés et faire des procédés pour y arriver. On dit ce qu'on a à dire à celui qui veut écouter. Alhamdoulilah, il écoute. Celui qui ne veut pas écouter, il passe son chemin. Et bien, nous exposer à faire des choses contraires même à notre morale de base, on est arrivé à un âge. Ce genre d'application, on est au-dessus. Même les gens ici, je vois les adultes, même chez les koufars, qui ont un certain âge, ils ne rentrent pas dans ces trucs-là. Ils disent ça, c'est un truc d'enfant, ça. C'est pour les gamins, ça. Alors que dire d'un da'i qui veut faire darwa là-dedans, soi-disant pour toucher les jeunes? Tu vas rentrer dans ce genre d'application, les gens ne vont pas en sortir. Il y en a qui disent, ouais, on rentre dans TikTok pour ramener les gens vers telle chose, telle application où il y a moins de mal. Il dit, voilà, les gens ne sortent pas de TikTok pour toi. Ils vont écouter tes doulous, ils vont rester sur TikTok car ce genre d'application cause une addiction à la personne. Ils vont t'écouter, certes, mais t'écouter toi et d'autres à côté de toi qui n'appellent pas au même message que toi. Et le TikTok, ils ne vont pas le lâcher pour toi. Crois-moi bien, ils ne vont pas le lâcher pour toi. Il est incha'Allah. Donc, se préserver dans la da'wah quand on l'a fait. Donc attention, même quand vous voyez beaucoup de gens qui appellent à faire da'wah, ils sont comme l'auteur l'a dit, donc comme le hadith, tu vas en voir des centaines, mais parmi eux, très peu seront vraiment fiables pour toi. Même s'ils ont un souffle qui pourra te paraître dur, qui pourra te paraître un peu vide ou quoi, si la personne, si le da'i, il a un minimum de savoir, et qu'il est sincère, et qu'il t'appelle la vérité, voilà, faut être content de ça. Et pareil, les machères, quand on a des machères, même si c'est pas des machères qui sont trop tendances ou quoi, et qu'ils appellent la vérité, qu'ils sont sur la salafia, on s'accroche à eux. Vous pensez que c'est pourquoi que les machères du Yémen sont pas connus aujourd'hui? Malgré le ilm qu'ils ont. Parce qu'ils rentrent pas là-dedans, justement. Ils sont pas sur des vidéos partout sur YouTube, on voit leur tête. Ils sont pas là-dedans. Donc quand on parle d'eux aux gens, on les connaît pas. Normal, vous connaissez que les gens qu'on vous met au premier abord, dont on voit les visages et on voit l'apparence sur les réseaux sociaux. Les machères du Yémen, ils sont pas dans cette ambiance-là. Aller en Saoudi chercher des skis auprès des grands savants, se faire connaître. C'est pas leur truc. Ils ont la marquise, tu veux venir, tu viens, tu peux pas venir. Et on n'a pas de pub à faire. On n'a pas de promotion à faire. On dit ce qu'on a à dire, c'est tout. Celui qui veut prendre, qui prend. Celui qui veut pas prendre, il va chercher là où il pense qu'il va trouver son bien. C'est tout. Mais chercher à faire le plus de vues, plus de likes, plus de retweets, je ne sais quoi, ça c'est pas ce qu'on nous a appris à faire. Et on espère ne pas être des gens qui vont tomber là-dedans. Donc pour la darwa, c'est pareil. Notre osloub, on le garde, on évolue comme on peut, on s'assagit, on évolue, mais on ne change pas. Du moins, on espère qu'à la face, qu'on ne change pas. Même s'il y a que deux personnes qui écoutent, c'est pas grave. Une qui écoute, c'est pas grave. Personne n'écoute, il y a des prophètes qui vont loin avec personne. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu les communautés qui m'ont exposé. Et j'ai vu le prophète qui venait avec un petit groupe de personnes. Un prophète qui venait avec une ou deux personnes. Et un prophète qui venait sans personne. C'est-à-dire que ce n'est pas un prophète parce qu'il est venu sans personne. Ça ne veut rien dire. Maintenant, s'il y a un grand nombre sur la vérité, c'est Nirma. C'est Nirma. Mais vu mieux, peu de personnes sur la vérité qu'un grand nombre sur le foi, sur le baratil, sur le faux. Sachez-le. Sachez-le. Donc ce hadith nous apprend justement à ne pas se fier à la multitude et savoir que malgré le grand nombre de propositions qu'il peut y avoir, très peu nous sont convenables. Très peu nous sont convenables. Et c'est pour ça également on incite les frères et les sœurs, surtout dans la porte du mariage, quand vous avez une personne qui est de minimum de droiture et qui est salafi, même s'il y a des manquements, accrochez-vous-y et patientez avec elle. Voilà, patientez avec elle car ces gens-là sont rares. On dit ça à nos sœurs, vous avez un mari, même s'il a des défauts, mais qu'il est salafi, et tu le sens qu'il est honnête, et qu'il est sincère, même il a des manquements, il faut rester accroché à lui, et espérer son bien, faire le dua pour lui. Wallah, il patientait sur les défauts qu'il pourrait avoir, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient même dans le comportement. Et pareil pour les frères avec leur femme. Si tu as une femme qui est salafie, d'accord, qui est honnête, qui est sincère et qui s'accroche à la religion autant qu'elle peut, malgré ses défauts, patiente sur elle et encourage-la et soutiens-la. Et vous verrez que le résultat, il sera magnifique au final. Cette dounia, elle est amère. Et devant nous, là, voilà les fitaines. Je le vois ici comment les femmes que ils ont sous les yeux, les frères sont maftouns. Malheureusement. Ils sont éprouvés par ce qu'ils voient comme femmes dans la rue. Ces femmes-là, elles sont pires que ces chameaux-là. Là, ça part de chameaux qui sont de base permis pour que tu montes dessus. Ces femmes-là, elles sont même pas permises de base. C'est pire encore. Là, le hadith passe d'une chose qui, à la base, t'est appropriée, d'accord, le chameau pour faire un voyage. Donc de base, c'est une bonne chose. Parmi ces chameaux-là, trouve le bon. Et bien là, ces femmes que tu vois là, toute la journée devant toi, là, elles ne rentrent même pas dans le hadith. Qu'on parlait comme ça, on va dire, allez, on va dire comme si c'était des hyènes. La hyène, tu fais pas un voyage avec une hyène. Donc, ils ne les calculent même pas. Donc, compare pas un chameau, même un chameau qui n'est pas confortable à une hyène. La hyène, tu ne pourras même pas monter dessus. Tu ne pourras rien faire avec. Au moins, un chameau, même s'il n'est pas confortable, il pourra faire un minimum pour toi. Et bien, les gens aujourd'hui sont impressionnés par ce qu'ils voient aujourd'hui à longueur de journée. Malheureusement, et cela impacte sur les couples, comme on en fait par certains frères, à cause de ce qu'ils voient toute la journée. Malheureusement. Et ça impacte sur le comportement des sœurs qui veulent ressembler à ça également. Et se dénature. Donc, faire attention. Dans cette multitude de personnes que l'on voit, très peu sont convenables pour nous. Et lorsqu'on a trouvé ces personnes-là, il faut s'y accrocher. Il faut s'y accrocher autant que possible et patienter sur les défauts que l'on pourrait trouver. Quitte des fois à se désister de certains droits que l'on a pour pouvoir garder ces gens-là avec nous. Donc l'auteur également incite par la suite, dans ce qui est des autres domaines qui servent à la religion, dont la Oumma a besoin, comme les hommes politiques, dans la politique religieuse. On a besoin de gens fiables et honnêtes. Et malgré tout ce qu'on peut leur trouver comme ministre et comme député ou autre, très peu parmi eux sont des gens fiables. Très peu. Beaucoup veulent le pouvoir et non pas vers le bien de la Oumma. Il avait dit, Cheikh Moukbir, rahimahullah ta'ala, qu'aujourd'hui, la plupart des gouverneurs ne sont pas là pour secourir la religion. Ils n'agissent pas d'un comportement qui amène à secourir la religion, mais sont là pour avoir le pouvoir. Alors qu'à la base, si Allah Azzawajal te donne le pouvoir, c'est pour que tu secours la religion, justement, le mettre au service de la religion. Et malheureusement, aujourd'hui, nos gouverneurs n'ont pas été mouafakoun dans ce bab-là. Et chacun pense à son pays, à ses frontières, hein, et à ses propres intérêts, malheureusement. Et ça amène à des répercussions sur le peuple. Et tout va ensemble. Le peuple a ses problèmes, et ses problèmes se reflètent à travers le comportement des gouverneurs. Ça va ensemble. Car aujourd'hui, très peu de gens pensent vraiment secourir la religion. Peu de musulmans se sentent responsables de cet islam qu'ils portent aux yeux des autres. Très peu. Quand ils font une chose, ils disent, je suis un musulman, je fais attention à ce que je fais parce qu'on me regarde. Et ce que je fais comme erreur, tous les musulmans vont l'avoir sur le dos. Pareil pour les sœurs quand elles sortent, ou quoi. On dit, ya khawat, attention à vous. Vous portez le hijab. C'est une mas'oulia. À la base, c'est un wajib, certes. Mais quand vous faites une chose, les gens vont dire, la femme voilée, tout de suite. Et vont salir toutes les autres sœurs qui portent le voile. À cause d'une qui aura fait un dérapage, les gens vont la prendre, elle, pour taper toutes les autres. Et également, quand on fait un bien, il faut toujours se dire que justement, cette cause de bien apporte justement un secours à la religion. Donc, cette mas'oulia qu'on a sur le dos, toujours en tenir compte. On le répète toujours, on n'est pas monsieur de tout le monde. Toi, en tant que musulman, si tu es dans le pays de Kouf, tu n'es pas monsieur de tout le monde. Tu es un serviteur d'Allah, Azzawajal. Tu es une personne que Allah, Azzawajal, a choisi, a élu pour représenter sa religion. Donc, endosse cette responsabilité et fais-y honneur. Autant que tu peux. Personne n'est parfait, des erreurs, on en fera tout le temps. Mais rattraper ce qu'on fait comme erreur, d'accord, et demander pardon quand on a fauté, quand on a lésé quelqu'un, on relève les cas. Donc attention à la multitude de ce que l'on voit devant nous. Très peu de gens sont en réalité fiables et convenables comme fréquentation, et comme enseignants, et comme dirigeants, et en plein de domaines. Non. طيب ثم يقول في الحديث 99 داني حديث 99 حديث يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر ولا الجمر. Donc il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il viendra un temps sur les gens où celui qui sera accroché à la religion sera comme quelqu'un qui saisit une braise incandescente. Rapporté par Tirmidhi. Et regardez, ce hadith-là vient comme compléter le précédent. Tellement aujourd'hui la chose devient dure, tu as l'impression de tenir une braise incandescente. On avait fait un rappel par rapport à ce hadith déjà auparavant. Prends une braise incandescente et serre-la. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Aujourd'hui, c'est très très dur. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui arrive à tenir un minimum, wallah, ces gens-là, faut s'accrocher à eux. Quand tu vois quelqu'un qui a cette braise dans la main et qui arrive à la tenir, accrochez-vous à ces gens-là, autant que possible, et restez auprès d'eux. Et pardonnez leurs fautes. Passez outre de leurs fautes, de leurs manquements. Car leur bien est bien plus grand que leur mal. Le bien qu'ils apportent est bien, bien plus grand que le mal qu'ils peuvent causer. Homme ou femme. Homme ou femme. يقول فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه. Dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم nous informe qu'il viendra un temps, et c'est la fin des temps, où le bien diminuera ainsi que ses causes, et que le mal augmentera ainsi que ses causes. Et il n'y a personne aujourd'hui qui pourra contester cela, c'est là on le vit pleinement. Et à savoir qu'un autre hadith dit que la yati zaman illa wallazi ba'dahu sharrun minhu, qu'il ne viendra pas une époque sans que ce qui soit après soit pire encore. C'est-à-dire là, on est dans une époque qui est catastrophique. Imaginez-vous ce qui vont arriver après, par la suite. Voilà le musta'an. وَأَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ مُتَمَسِّكُ بِالدِّينِ مِنَ النَّاسِ أَقَلَّ الْقَلِيلِ. Et c'est pour cela que tu verras que les gens accrochés à la religion seront probablement les gens les moins nombreux. Les gens accrochés à la religion sont les gens les moins nombreux. Ils sont rares. وَهَذَا الْقَلِيلِ فِي حَالَةِ شِدَّةِ وَمَشَقَّةِ عَظِيمَةِ. Et que ce peu, justement, ce petit nombre, sont les gens qui subissent le plus. Une grande difficulté. Les gens qui subissent le plus, en réalité, sont les gens qui sont accrochés à la religion. Tu vois, des gens se plaignent de plein de problèmes qu'ils ont. Et déjà, ils ne sont pas moustakimines. Ils se plaignent, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, il y a des gens, ils ont encore plus de problèmes que toi. Et qui sont meilleurs que toi. Et qui se plaignent moins que toi. Cependant, on espère que leur difficulté soit une épreuve pour qu'Allah Azzawajal puisse les élever. Et tout cela à cause de grandes fitaines qu'on a autour de nous. Donc, par exemple, ce que j'ai cité tout à l'heure dans l'autre hadith, la fitaine des femmes dans les pays comme la France, dans les pays de Kouf, même dans les pays d'islam de façon générale. La fitaine de la dunya, de l'argent. Car aujourd'hui, c'est ça qui importe aux gens. Avant une situation sociale, financière. Et cela passe avant la religion. Et celui qui s'accroche à la religion voit que ses biens sont diminués. Il n'a plus de moyens. Pourquoi? Car sa religion prédomine pour lui. Donc forcément, ou forcément, on peut dire forcément, mais dans beaucoup de cas, sa dunya va en prendre un coup. Mais ça lui de patienter et savoir que Yom Kiyamah aura mieux que cela. Il aura patienté pour avoir mieux que cela. Alors que les autres se précipitent. Ils sont privés dans l'au-delà de ces biens qu'ils ont voulu avoir en ce bas monde. Et c'est une règle qui existe en religion. Celui qui hâte une chose en ce bas monde, en sera privé dans l'au-delà. Par exemple, dans les hadiths, ceux qui boivent de l'alcool en ce bas monde n'y aura pas droit dans l'au-delà. Ceux qui mangent dans les comment dirais-je, les couverts d'or et d'argent en seront privés dans l'au-delà. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, des gens se précipitent pour avoir des choses et en seront privés dans l'au-delà. Malheureusement. Donc celui qui soit privé de choses en ce bas monde, qui ne sont pas indispensables, qui patientent et qui sachent qu'il aura meilleur dans l'au-delà. Meilleur. Donc c'est pour cela que c'est dur à tenir. Aujourd'hui, c'est très difficile à tenir. Mais pour t'aider à tenir, comme dans le hadith précédent, fréquente les bonnes personnes qui, comme toi, tiennent cette braise incandescente. Si tu marches avec des gens qui la lâchent, tu vas finir par lâcher toi aussi. Reste avec des gens qui tiennent cette braise incandescente et qui t'aident à la tenir. et qui t'indique comment la tenir le plus longtemps possible. Les fréquentations, c'est primordial. Tu fréquentes des bonnes personnes, business-là, tu seras bien entouré. Et quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis, c'est qu'il y a un problème. Tu peux pas avoir beaucoup d'amis quand tu es trop accroché à la religion, car les gens vont fuir de toi. Avec toi, la vie, elle est pas drôle, comme ils disent. Elle est pas drôle, la vie. Et les gens veulent s'amuser. Avec toi, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'argent à se faire. Parce que les gens veulent de l'argent. Et ainsi de suite. Alors qu'à la base, c'est pas interdit. Mais, selon les limites de l'islam. Dans les limites de l'islam, ne pas en vouloir trop non plus. Donc se rappeler que cette religion-là, elle est celle de la victoire. Et que Allah Azzawajal a déjà promis que les croyants auront la victoire. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est le monde de la victoire, il faut savoir la reconnaître en fait. Et les gens se précipitent. Comme a quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sahabi, ou la kinakum tastarjiloun, vous précipitez, vous voulez avoir les choses trop vite. Et ne pas être éprouvés comme ont été éprouvés ceux qui étaient avant vous. Elle l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons qu'auparavant on venait avec un homme, on le saisissait pour le torturer, on lui sciait la tête en deux, ou on le peignait avec un peigne de fer, on arrachait la peau, et pourtant, malgré cela, il n'achetait pas sa religion. Et après, il a juré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah va compléter cette religion. À tel point que tu verras le voyageur partir de Sana'a Hadramaut, Sana'a c'est la capitale du Yémen. Voyez, jusqu'à Hadramaut, qui est une partie du Yémen également, et il ne craindra que le loup sur ses moutons. C'est-à-dire que tellement la religion sera instaurée et appliquée que tout sera sécurisé et que le berger ne craindra pas des hommes. Mais il ne craindra que du loup son troupeau. Et là, subhanallah. C'est une promesse d'Allah, Azzawajal. Mais cette promesse-là, elle a des conditions. L'istiqama. Et le tawhid. Et aujourd'hui, les gens de l'istiqama et le tawhid sont une minorité infime. Ceux qui tiennent justement cette braise incandescente, qui arrivent à tenir. Un maximum. Donc faire beaucoup de dua, car Allah Azzawajal nous donne la force de pouvoir tenir cette braise incandescente. Et comme on dit, le but n'est pas d'arriver au bout, mais de mourir sur le chemin. D'avoir la force de patienter pour mourir sur le chemin. Sans espérer de l'arhmat d'Allah Azzawajal. Wa kan dhukira min al-afkar allati yutalaffaz biha 'inda al-karb. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait à dire quoi ? La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ala Allah tawakkalna, Allahumma lakal hamd, wa bikal mushtaka, wa antal musta'an. Wa bikal musta'af, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la facilité ne vient qu'après la difficulté. Les gens veulent la facilité directement sans passer par la difficulté. Non, c'est une étape. Tu veux avoir la facilité, passe par la difficulté. Et comment pourrais-tu savourer une facilité si tu n'as pas connu son opposé auparavant? Tu ne sauras pas c'est quoi. C'est comme quelqu'un qui n'a pas connu la faim, il ne sait pas c'est quoi se rassasier. Il n'a pas connu la faim. Alors quelqu'un qui a connu la faim, lorsqu'il mange, il voit c'est quoi la nourriture, ce bienfait. Quelqu'un qui a eu soif, il sait c'est quoi l'eau. Et tout le monde l'a connu ça pendant Ramadan. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas connaître le manque pour pouvoir trouver ce qui comble. Donc tu ne savoureras pas justement la chose, car tu n'as pas connu le manque. Donc c'est vrai que le musulman, il est constamment éprouvé. Comme ça, lorsque la victoire vient, il la voit, il la connaît, il la reconnaît, il la savoure. Il la savoure. Voilà qui n'est comme testa djiloun. Cependant, vous vous précipitez. On veut tout de suite, tout maintenant. Non. Donc de là, on a fini, bifadlai ta'ala, ce kitab. Par ce hadith, ces trois beaux hadiths qu'on a, 97e, 98e et 99e. Non. Donc de là jusqu'à nouvel ordre, je continuerai seulement dans les Arba'in Nawawiyah, aux horaires connus, dont ce soir, Inch'Allah. Et quand un nouveau livre s'ouvrira, je vous en ferai part. Mais ce ne sera pas tout de suite. Car comme je vous l'expliquais, là je suis un petit peu instable. Et je ne suis pas tout le temps en mesure de pouvoir faire le Ders de façon régulière. Donc pour l'instant, vaut mieux mettre en suspens. Ce que là nous facilite une meilleure issue pour cela. Allah yubarik fikoum. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.